est beau comme un verre. Je suis vivant et je parle sans tête. Nu et beau comme un verre. Dans une forêt noire et blanche, du givre s'est déposé sur mes hanches. J'ai dû dormir un peu, j'ai dû me perdre. Il fait froid et il pleut. Je suis vivant et je marche sans tête. Nu et beau comme un verre. Innocent et visqueux, et j'avance. L'envie de chair se fait tendre. Reste à attendre et se taire. Se terrer sans un bruit, guettant les mouvements de la nuit. Je suis vivant et je râle sans tête, comme Brahme le cerf. À l'affût, presque béat, mon corps étalé sur le sol. Je sens la terre qui frissonne sous le craquement sec d'un pas. Je suis vivant et c'est toi que je guette. Insouciante, sincère, esselée, condamnée. Et pourtant, n'aie pas peur de ma caresse. Cela, elle cherche la source fraîche de la chaleur de ton sang. Je suis vivant car je vole cette sève insatiable et distant. De l'eau et du carbone et de l'eau et du carbone de l'eau et du carbone et de l'eau et du carbone. Voudrais-tu, du bout des doigts, toucher mes plaies devenues sèches? Toi qui voulais te salir, sens-tu la saveur de ce jour décadent? Je suis vivant, regarde, je danse sans tête. Nu et beau comme un verre. Je suis vivant, regarde, je danse sans tête. Nu et beau comme un verre. Insolent, déterminé, absent. Caresser le vain espoir que ton corps apaise ma faim. Que ton sang comble mon manque enfin. Mais en mon sein s'éveille cette ulcère rare. Je suis vivant et dedans ma tête il y a des milliers de vers qui se mélangent et me démangent les yeux et me rongent les os dans une étreinte infantile, exigeant, sans gêne. Dans le berceau de mes rêves reptiles, je suis vivant et j'enrage sans tête. Nu et beau comme un verre. Cette forêt noire et blanche, mon corps fardé se retient aux branches. Et la nausée de mes vertiges s'écoulerant, son infilé continue. Je suis vivant et je marche en tête. Nuit beau comme un verre, désinvolte, furieux, têtu. L'envie de chair se fait tendre, reste à attendre et se taire. Se terrer sans un bruit, guetter les mouvements de la nuit. Puis se lever, déambuler en quête de nouvelles viscères. De l'eau et du carbone, du carbone et de l'eau, de l'eau et du carbone et de l'eau et du carbone et de l'eau, de l'eau et du carbone. Du bout des doigts, toucher mes plis devenus sèches. Toi qui voulais te salir, sens-tu la saveur de ce jour décadent? Je suis vivant, regarde, je danse sans tête. Nu et beau comme un verre. Je suis vivant, regarde, je danse sans tête. Nu et beau comme un verre. Insolent, déterminé, absent. De l'eau et du carbone. De l'eau et du carbone. De l'eau et du carbone. De l'eau et du carbone. Du carbone et de l'eau. De l'eau et du carbone. Du carbone et de l'eau. De l'eau et du carbone. Du carbone et de l'eau. De l'eau et du carbone. Je marche en tête, nu et beau comme un verre. Je suis vivant et je parle sans tête, nu et beau comme un verre. Merci.